Est-ce qu'on a le temps de passer par les maisons autonomes ? Non. Qu'est-ce qu'on fait après ? Nous n'avons pas d'extrait des maisons alors, autonomes. On avait pensé plutôt sur les pistes prospectives alternatives. On était plutôt sur le chauffe-eau judicieux. Oui. D'accord. Avec les réserves que vous direz effectivement cette rencontre et cette démarche. D'accord. Bon, on envoie les chauffe-eau judicieux. Non, alors, quand même pour signaler vidéo zéro, évidemment, le truc naturel, c'était de se dire, mais quelles sont les alternatives ? Donc, on a cherché dans le mouvement, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il y a des scientifiques, alors, qui sont profs de physique nucléaire, etc., qui s'étaient mis sur les chauffe-eau solaires. Alors, on a filmé, mais un peu surpris quand même. Hein. Et on n'a pas eu des tensions, parce que c'était amical, vraiment. Mais on leur a dit quand même, vous avez des licences de physique et vous faites des chauffe-eau solaires. Enfin, on voyait bien que c'était quand même vite limité comme alternative. Hein. Et, donc mais... deux ont été envoyés au Larzac. Oui. Comme témoignage de sympathie. Alors, mais c'était un peu limité. Donc, vidéo 00. Après, on a été regardé du côté des éoliennes, tout ça. Donc, on s'est un peu écarté de ça parce que c'était. C'était pas l'ampleur, quoi. Hein, voilà, attendu. Et notamment, après, les scientifiques ont formé le CRIAD, hein, où là, c'est ce qu'on leur disait à ces profs, on disait, mais avec vos connaissances, mettez des appareils de mesure près des centrales, aidez les gens à faire des mesures, etc. Les chauffe-eau, bon, ça représentera jamais un truc. Voilà, c'était pas. Alors, vous voyez, mais c'est quand même intéressant, donc, de voir ça. Je le lance alors. Oui. C'était des gens qui étaient investis dans le mouvement anti-nucléaire ou pas du tout ? Oui, ils vivaient vraiment, qui étaient en marge. Mais pas en marge, je ne sais même pas s'ils avaient signé. Enfin, si. S'ils avaient signé. Ils étaient engagés, je veux dire, c'est clair. Ils étaient engagés. Ils étaient anti-nucléaires, mais ils étaient vraiment engagés, d'accord. Mais ils auraient pu faire autre chose, quoi. D'après nous. Quoi. Mais à l'époque, vous étiez quand même intéressé parce que vous avez fait une vidéo. Mais parce qu'on découvrait. Oui, on se dit, voilà des physiciens qui travaillent sur les chauffe-eau solaires. Bon, alors, de contact en contact, on t'a amené, mais c'est une bande qui a à peine monté, quoi, du coup. Hein. En revanche, il y a quand même un truc intéressant. Vous nous aviez demandé, mais comment on faisait parce qu'on travaillait, etc. On ne vivait pas de ça. On avait deux enfants. Et donc, en fait, on intégrait les enfants au tournage. Alors, on voit notre fille à un moment donné. Mais par exemple, au Larzac, en 73, on avait eu un fils qui avait un an. Et c'est les fermiers du Larzac, la fermière du Larzac, qui gardait notre fils, le bébé, pendant qu'on interviewait. Oui. Il y avait une autre approche. Hein. Et on voit on l'a mis pour ça, l'infirmier qui avait sa petite fille sur le dos. À chaque fois, les tournages, je ne sais pas, vous avez peut-être connu cette expérience, se faisaient de façon décontractée, familiale. Ce n'était pas le truc que... Vous savez, maintenant, on voit toujours la personne interviewée qui arrive, qui fait un travail, puis après, elle est interviewée, c'est rigide. Là, c'était parfois même les interviews dans le Larzac se déroulent d'une façon collective. Il y a nous qui interviewons, bien sûr, mais il y a d'autres qui posent des questions. Donc, ouais, ça rebondit, quoi. Hein. On travaillait décontracté, quoi, hein, par rapport. Mais c'est la vidéo permettait ça aussi. Hein. C'est moins facile avec la pellicule qui coûte très cher. Ouais. Bon, alors le problème de la production alternative d'énergie se posait pour tout le monde. Et c'est dans cette perspective que le chauffe-eau solaire a attiré l'attention. Mais il y avait des maisons qui fonctionnaient avec l'eau de pluie, le digesteur, le chauffe-eau solaire, la serre pour faire des légumes et servir de réserve chaude pendant la mauvaise saison. Ça, vous l'avez fait après, les maisons autonomes, c'est ça, après chauffe-eau solaire, c'est là que vous êtes allé à la rencontre de Street Farm à Londres, etc., qui est une autre vidéo passionnante, mais qu'on ne pouvait pas montrer là. Donc, on va regarder le chauffe-eau solaire. Je lance. Qui plaît beaucoup à Alain. Hein, non, mais tout me plaît. Hein. Il y a vraiment un peu de temps. Ouais, pour pas déchirer le sac. Hein. Le sac est Alors, c'est des profs de physique, hein. Mais de physique nucléaire. C'est pas évadu. Essaye de faire tomber tout le sac à l'intérieur parce qu'on en aura besoin pour... Attends, je recevais un peu. Oui, bon, alors donc il y a deux trucs. D'une part, il y a le fait que Marie disait tout à l'heure qu'il faut forcément limiter notre consommation d'énergie, et je crois que c'est ça qui est le plus fondamental. Et l'autre problème, c'est que on n'est pas du tout partisan du tout solaire, comme certains sont partisans du tout nucléaire. On estime qu'il faut utiliser toutes les ressources énergétiques possibles, que ce soit le vent, les chutes d'eau, le soleil. Et si on met tout ça ensemble, au point de vue quantitatif, on arrivera à faire tout autant que les centrales nucléaires. Et j'espère pas plus, parce qu'on n'a pas besoin de plus. Quoi. L'homme, il n'a pas besoin de plus. Il n'est pas devenu plus heureux depuis qu'il consomme, je ne sais combien, 100 000 kilocalories par jour et par personne. Ça n'avance à pas beaucoup, alors qu'il en a besoin de 2000 pour vivre. Il lui en faut un peu plus pour s'éclairer, pour se transporter. Mais enfin, 100 000, ça paraît vraiment des chiffres énormes. C'est la consommation actuelle en France. Et aux États-Unis, elle est 3 ou 4 fois plus grande. Et la quantité de soleil qui tombe sur la Terre, si on pouvait la capter toute, elle représente de part beaucoup plus que toute l'énergie que les hommes ont produit artificiellement par les combustibles fossiles ou qu'ils veulent produire par le nucléaire. Refaire un chauffe-eau solaire chez toi ou chez les copains Chez moi, dans l'immédiat, non. Parce que déjà, je ne suis pas propriétaire. Mais je ne dis pas non, le jour où je le serai. Et si d'un autre côté, l'année prochaine, il y a un groupe qui fonctionne, je veux bien accepter de revenir pour donner un coup de main, pour raconter un petit peu ce qui nous est arrivé, nous, ce qu'on n'aurait pas dû faire, mais qu'on a fait parce qu'on ne savait pas. Et est-ce que ça te plairait d'installer en milieu réel, sortir d'un milieu expérimental comme ça, puis d'aller dans une maison, une maison traditionnelle, enfin, comme il y en a partout, ah bah oui, dans le lieu, c'est sûr, parce que là, ça sera un but utilisable. Immédiatement, mais c'est là le chauffe-eau sur la terrasse, il ne sert pas. Parce que si on le faisait sur une maison, il serait utile. On pourrait en tirer peut-être un peu plus de satisfaction quand même. Malgré tout, l'avoir fonctionné même ici, c'est déjà bien. Oui. Je crois. Alors, pour la petite histoire, parce qu'elle est marrante, peut dire, mais. Le dernier interviewé, celui qui fait les tuyaux, en fait, il n'est pas professeur de physique, c'est le seul plombier de la bande. Et heureusement qu'il était là, parce que les autres étaient incapables de mettre des tuyaux ensemble. Oui. Et alors, c'est pour ça qu'il y a Notre-Dame derrière, une référence à la maçonnerie, il y a le côté ça. Mais il venait aider les profs de physique à faire la plomberie. Alors, bravo, pratique.